consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Terra Incognita, Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous. Et on commence avec une nouveauté, Rocking Horse Music Club. On a présenté un extrait la semaine dernière, un extrait de l'album Circus of Wire Doll. Et donc ce soir, ça va être Every Show Must End. Et c'est un disque qui a été enregistré, un disque d'un groupe de la Nouvelle-Angleterre. On y retrouve notamment le Brian Combs, bassiste et chanteur et réalisateur. On l'a peut-être connu pour certains, enfin, je ne sais pas si vous vous en rappelez, Tristan Park, un groupe américain qui a publié trois albums entre 1993 et 1998. Trois albums qui paraissaient sur une maison britannique, là, c'était Cyclops. Et puis, ben, ils nous arrivent avec leur troisième album, maintenant Rocking Horse Music Club. Plein d'invités britanniques, malgré le fait que c'est un groupe de la Nouvelle-Angleterre. On y retrouve notamment Tim Bonus de No Man, David Cross, John Hackett et Noel McKella, chanteur de Man From Man's Earth Band de 1991 à 2009. Et c'est d'ailleurs lui qui chante la pièce qu'on va entendre, Every Show Must End. Et puis Marc, on poursuit après avec un autre groupe international. Oui, il s'agit de The Samurai of Prague. Et on aura pour vous un quatrième extrait de ce nouvel album intitulé Anthem to the Phoenix Star. On écoutera la pièce Behind the Curtain et ce sera suivi de Anthony Kalugin et un second extrait de son nouvel album Rebirth, qui est son deuxième album cette année, et la pièce titre. Mais comme vous le disait Michel, on débute avec un nouvel extrait du nouvel album de Rocking Horse Music Club. Thank you. watching just to reach the end. We spent so long fighting against the tides, always push us back to shore again. We say goodbye, go our own way, as we serve. This moment, but I think the time has arrived to pack up every wire and string, every beautiful thing I may come alive. It just feels like it's farewell to a love I'll never know again. But every show must begin, and every show must end. This was my heart, you were my muse. I sing you a song again. Just as the river flows from our door, it leads us away from home. We never know as our days go, time is fleeting. Like with the snow that turns to rain in the spring. You brought us.

writer, inspiration, time long since lost in fading space. Life's just a freezing illusion. I'm looking for a safe place for my do this. Ici Olivier, Simon et Jérémy. Nous sommes le Pulsar Trio. Vous écoutez présentement CKRL 89.1. À vivre de nouvelles expériences? La programmation automne 2022 du Centre Monseigneur Marcoux est lancée. Pour les adultes, plusieurs belles nouveautés comme la capoeira Angola, la Zumba Gold et le tricot vous attendent. Les plus petits pourront aussi profiter de nouveautés comme des cours de hockey-ball et de soccer. Notre programmation, plus variée que jamais, compte sur le retour de plusieurs classiques, comme nos cours de yoga, d'entraînement musculaire, de tablettes informatiques et de guitare. Pour vous inscrire, visitez notre site Internet au www.centremgrmarcoux.com. Venez nous voir au 2025 rue Adjutant-Rivard ou téléphonez-nous au 418-661-7766, poste 221. Faites vite, la saison débute le 19 septembre. Découvrez Fluide, le premier album du duo montréalais Eddie. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute de musique en ligne et dans les magasins proches de chez vous. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique avec le rock vintage du groupe The Sheepdogs. La formation canadienne, réputée pour ses spectacles de haut calibre, sera de passage dans la salle Raoul Jobin pour présenter son nouvel album Out of Sight. Le 23 septembre, venez vibrer au son du rock rétro des Sheepdogs au Palais Montcalm. Un concert de la série Panorama. Détails au palaismontcalm.ca. Tous les dimanches jusqu'au 18 septembre, de 11h à 15h, c'est le marché public de Limoilou. Situé sur la 3e avenue, entre la 8e et 9e rue, retrouvez plus de 35 producteurs et transformateurs alimentaires qui vous attendent dans une ambiance familiale et animée. Pour plus de détails, visitez marchélimoilou.com ou la page Marché Limoilou sur Facebook. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Autre nouveauté pour ouvrir cette demi-heure, ce seront les Italiens de Aliente qui présentent leur troisième album Destinazioni Oblique. Et ils ont trois albums, donc je disais, le premier paru en 2017. Le second en 2019. C'est un groupe qui propose une musique instrumentale et je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de prog italien qui, même s'il n'y a pas de chant italien, aiment beaucoup Aliente. Et on reste en Italie avec Coral Caves Project. L'album a pour titre Journey to the End of the Light. C'est le deuxième album pour cette formation italienne. Un premier disque est paru en 2008. Ça fait quand même 14 ans sous le titre de Mito Poesi. Et on peut dire que ce groupe s'inspire beaucoup du rock progressif britannique. Et puis Marc, après, je pense qu'on a une petite exclusivité qui nous vient des États-Unis. Oui, en effet, c'est une nouvelle pièce de la formation Great Wide Nothing. Ils sont de Atlanta. Une pièce qui a pour titre Blind High to a Burning House. Et ce sera suivi d'une nouvelle formation de la Norvège. Ils sont de Oslo. La formation Wizard, W-I-Z-R-D. Et c'est un premier extrait de leur nouvel album Seasons qui va paraître le 21 octobre prochain. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec la nouveauté de la formation italienne Aliente. Hello, I am Michele of Aliente, and I am proud to present you the track Il Mondo di Fronte from our new album Destinazioni Oblique. I hope you'll enjoy it. Thank you. It's a fragile silence, broken by the wind that blows upon dark gray green foliage. Down the brief dives over, long steep strips intertwined in the darkness of the abyss. The rain performs its bolero on the roofs, and a synchronous rhythm, slow and ancient like the earth. Carousels and kaleidoscopes of ancient figures on a sky cracked ceiling. And if I find you, I grab my courage with shaking hands, and now I come closer. Maybe I've won the fight against myself, but my step hesitated, sound the seal. My eyes. Oh, artistes de Québec existent, puis sont aussi de plus en plus fiers de dire qu'ils viennent de cette ville-là. Je suis arrivée. Vous aussi, vous êtes fiers de la ville de Québec? Ici Jessie Caleb. Je vous invite à découvrir 6 producteurs et transformateurs agroalimentaires québécois au Grand Marché de Québec dans l'émission de Bouche à Oreille. Ça, c'est pour les gourmands. Pour la musique, j'ai invité Lou-Adrienne Cassidy, artiste de Québec qui s'est mêlé la fougue du grunge à la tradition de la chanson francophone. Lors de cet enregistrement, nous avons aussi eu la chance de rencontrer la nutritionniste et youtubeuse Cynthia Marcotte. Elle nous a partagé sa passion pour les produits locaux et la saine alimentation. Cynthia Marcotte est décédée tragiquement le 16 juillet 2022. Cette émission lui est dédiée. De bouche à oreille avec Lou-Adrienne Cassidy au Grand Marché de Québec, en la mémoire de Cynthia Marcotte, c'est le 23 septembre, 16h à CKRL. Rediffusion les 27 septembre, 22h et le 1er octobre, midi. Le 17 septembre, venez vous amuser avec nous. Eh oui, la fête des moissons du Centre Monseigneur Marcoux en sera à sa 2e édition. Dès 10h, venez nous rencontrer au Centre communautaire Monseigneur Marcoux pour faire la visite de votre centre communautaire et assister à des démonstrations des activités qui seront à notre programmation cet automne. Jusqu'à 15h, rendez-vous au Parc Brady pour profiter d'une belle journée où animations, jeux gonflables, spectacles sur scène et offres alimentaires seront au rendez-vous. Le mini-marché solidaire du CMM permettra de vous procurer des fruits et légumes frais à prix abordable. Notez que l'achat de coupons directement sur le site sera nécessaire avant de commander au casse-croûte. Des kiosques de plusieurs partenaires du quartier seront également sur place afin de vous présenter leurs services. Nous vous attendons en grand nombre. Une invitation du Centre Monseigneur Marcoux et de monlimoilou.com, partenaire médiatique. Cet automne au Palais Montcalm, une soirée blues avec la légendaire Sue Foley et l'étoile montante Crystal Shawanda, un concert intime en mots et en musique avec la grande Diane Dufresne, Dan Bigra célèbre les 30 ans de son album « Tue-moi », Rock the Organ, le grand orgue au service du rock progressif, Dan Touin Trio présente le grand classique Joyeux Noël Charlie Brown, accompagné d'un chœur d'enfants. Détails au palaismontcalm.ca. Salut, c'est Gab Bouchard. Je vous présente mon nouvel album, Graphine. Découvrez Graphine en magasin et sur toutes les plateformes, dès maintenant. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation norvégienne Gentle Knife qui ont été fondée à Oslo en 2014 et ce sera ici un extrait de leur second album Clock on Wound, leur plus récent, paru en 2017 et la pièce de Clock on Wound. Et on aura également une nouvelle formation de l'Italie qui fait beaucoup dans le rock des années 70, Gravitational Objects of Light, Energy and Mysticism. C'est paru au début avril sur l'étiquette italienne Black Widow. On aura la pièce 5 Obsidian Sons et pour débuter dans le même esprit, Michel, une formation de San Diego. Oui, tout à fait, c'est dans le même esprit. Il s'agit de BERT, un groupe qui a été formé par d'anciens membres d'une autre formation aussi réjouissante, Astra, un groupe qui a présenté 2 albums, le premier en 2009 de Wording et le second de Black Chord en 2012. On va écouter un extrait de ce premier album qui s'intitule Born et c'est la pièce BERT. Et puis, ben, écoute, je vais en profiter pour parler un peu de Gentle Knife pour dire finalement que c'est le dernier album du groupe parce que le groupe s'est dissous il y a quelques années, donc il n'y en aura pas d'autres. On a longtemps espérer que cette formation norvégienne revienne à la charge, mais ça ne sera pas le cas. Et on y va avec BERT. «

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Dans le prochain bloc musical, on ira en musique du côté de la Méditerranée avec, entre autres, des formations italiennes, grecques, espagnoles. On aura une pièce de Fabio Zuffanti tirée de son album La Quarta Vittima, paru en 2014, son cinquième album, un des plus progressifs là, dans sa carrière solo. La pièce Il Circo Brucia. On aura également la formation grecque Cicada, tirée de The Finest of Miracles, leur second album. Le premier était paru en 2010, celui-là en 2015, et leur plus récent, paru en 2021, l'excellent Harvest. Ils sont tous bons, surtout le plus récent, mais celui-là, je l'aime aussi beaucoup, The Finest of Miracles. Alors, on aura la pièce Eternal. Et pour débuter, Michel, une formation d'Espagne. Oui, on parle de Frutería Tony, une formation que j'aime beaucoup, c'est vraiment original, ils ont une identité sonore bien à eux. Malheureusement, seulement 3 albums, j'en prendrai beaucoup d'autres. Le premier est paru en 2014 sous le titre de Melotron en Almíbar. En 2017, Tengo Mis Días Buenos, et puis ben, dans le cas qui nous intéresse, c'est un extrait de leur plus récent qui remonte à 2020, El Porvenir Está en Las Huevas. Je disais tantôt, une identité sonore, il y a évidemment l'instrumentation y joue, donc on retrouve clarinette, saxophone, flûte, et violon notamment, et je dois dire que les 3 albums sont excellents. On y va donc avec un extrait de ce 3e album, dont le titre en français, une fois traduit, ben, c'est « L'avenir est dans l'œuf ». mirar yo dado y andar angrópito. Suicida heroico, lucha incapaz. Los liquidadores asintomáticos barren la falta de cálculo bajo el sofá.

Ce soir, on vous laisse avec un extrait de l'album Ode to Echo de Glasshammer, 15e album du groupe paru en 2014. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Et oui, je vous rappelle que dorénavant, l'émission commence une heure plus tôt, donc c'est de 21h à 23h. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.